Chez Dolbeau Auto, l'automne est arrivé et nous payons les trois premiers mois de location sur le GMC Sierra 2017 ou encore venez voir l'Equinox 2017 à 22 995 Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini, au téléphone 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto désirent vous rappeler qu'acheter localement préserve notre économie. Il y avait une compétition à Drummondville en fin de semaine. Et question de savoir comment ça s'est passé. J'en ai parlé ce matin dans le bulletin du sport local. On parle avec David Simard qui était là. Salut David! Bonjour! David, en fin de semaine, c'était la compétition Inter 2. Plusieurs patineuses de Saint-Félicien. Élite 2, oui. Plusieurs patineuses de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini étaient sur place. Et je regardais les statistiques ou les résultats, et c'est Rosalie Tremblay qui a été la meilleure. Oui, Rosalie était dans le groupe de. Ben, elle était sur l'équipe nationale encore. Elle revenait près d'une semaine de break, puis elle a eu plusieurs blessures l'année passée, elle manquait quasiment l'année au complet. Donc, elle est revenue en force en faisant des courses, puis en passant super bien. Elle est arrivée, je me trompe pas, là. 17e. Complet. Ouais, c'est ça. OK. Mais cette compétition-là, ça servait à quoi, en fait? En fait, le circuit élite, c'est un circuit qui est un des meilleurs au Québec. Là. C'est, que, c'est un peu... Pour les patineurs, il y avait besoin... Pour chacun des patineurs, en fin de semaine, il y a besoin de temps pour se classer pour les sélections nationales, les qualifications nationales qui sont au mois de à la mi-novembre, en fond, à Chicoutimi. OK. Donc, c'est une compétition majeure qui permet de sélectionner les 16 meilleurs patineurs qui vont pouvoir participer après ça. Aux sélections nationales pour l'hiver. Fait que, ça, c'est quand même important. Fait que, je vois 60 patineurs dans cette compétition-là. Puis, dans le fond, la compétition en fin de semaine, ça va sélectionner un peu ces patineurs-là au Québec ou au national parce qu'il y a besoin d'un certain temps pour se classer à cette compétition-là. OK. Si on y allait. Notre réseau élite à faire des points pour notre circuit élite, nous autres, dans l'année. OK. Ça prenait combien de patineuses? Ça en prenait combien pour se classer pour cette compétition-là qui va avoir lieu à Vessigny? En fait, moi, j'avais déjà. La plupart des patineuses que moi, je coach, étaient déjà préclassées puisqu'ils ont fait le circuit national l'année passée. Fait qu'ils ont cumulé assez de points pour être repris. Il y avait Marianne Guy de Saint-Félicien, Pierre qui devait faire encore des temps. Pour cette compétition, elle réussit à se classer. OK. C'est qu'elle est classée pour cette compétition-là. Donc, c'est vraiment apprendre la course, faire une pratique un peu, c'est un peu un entraînement en vue de cette compétition-là, faire les tactiques, tout ça, de course. Donc, faut pas vraiment prendre ça à la. Faut prendre ça à légère, les résultats. Je voyais Catherine Mailloux qui est. Non, faut pas nécessairement les prendre à légère parce que cette compétition est quand même majeure. Là, on est rendu dans un circuit où c'est les meilleurs patineurs au Québec, parmi les meilleurs au Canada. L'équipe nationale était là au complet, sauf ceux qui sont en Coupe du Monde. Donc, tout le monde de la région, on est chanceux, là, ils sont en Coupe du Monde présentement. Donc, il y avait quand même plusieurs bons patineurs relevés. Il y avait environ 7 patineurs gars-filles de l'équipe nationale. Après ça. Oui. On avait, c'était quand même relevé là, comme compétition. Puis, le groupe est classé ou par le pointage cumulatif de toutes les courses en un groupe, donc de 1 à 60 patineuses. Mais sinon, dans la compétition, on avait quand même, par distance, on avait des groupes communs qui patinaient. Fait que la plupart de nos patineuses de la région, comme Catherine Mailloux, patinent dans le groupe B, dans la plupart des distances. Okay. Quand il y a un résultat individuel, on a quand même des bons résultats. OK. Donc, Catherine, qui a terminé au 17e rang dans son cas, c'est est-ce que c'est un temps satisfaisant dans son cas? Oui, ça lui met environ dans le groupe B, mettons, ça l'amène dans les premières, avec même chose avec Maud, qui est un petit peu après, qui est arrivé 19e, Maud Tremblay, oui. Puis Flavie avec 24e, c'est quand même bon pour eux autres. Flavie, a peut-être, ça peut peut-être faire mieux. Mais elle a quand même fait des bons efforts, là, puis on a travaillé sur certains aspects tactiques qu'elle n'était pas habituée. C'est pour ça que son résultat est un petit peu moins. OK. Donc, elle, faut qu'elle travaille, Flavie Laroche-Roy, il faut qu'elle travaille sur d'autres aspects, j'imagine, là, pour la compétition. D'autres aspects individuels, mais tu sais, c'est en vue des qualifications nationales. Fait qu'on veut faire des erreurs à cette compétition-là, faut pas les répéter, son point de vue. OK. On a une Karina Momini aussi qui est arrivée 29e dans la même groupe. OK. Individuel, c'est quand même bien parce que si on regarde dans le groupe B, c'est nos filles qui étaient parmi les meilleures de tout le classement. Si je regarde mes photos que j'ai prises pour toi, justement, les résultats, dans le groupe B masculin, dans le groupe B féminin, on a eu de très bons résultats, exemple au 1000 mètres. On a eu Maud Tremblay qui est arrivé 3e au 1000 mètres du groupe B. qui est très fort, là. Il connaît contre des filles quand même du centre national un peu à Montréal. Après ça, au niveau individuel aussi, au niveau 1500 mètres, Catherine est arrivée deuxième du groupe B, qui est très bien. On avait encore un petit pour sa vitesse. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a très bien performé. Pour une cinquième place au niveau de mode. Et au 1500 mètres, on a eu une belle course de la finale. On a Flavie qui est arrivée deuxième du groupe B et Maud qui est arrivée première du groupe B, qui est arrivée troisième du groupe B. Fait que, puis Catherine est arrivée cinquième. Fait qu'on a eu quand même une bonne nomination de patron de ce groupe-là. OK. Donc, c'est pour évidemment les qualifications nationales, c'est ça? C'est ça. Donc, les Marianne Saint-Gelais vont être là, j'imagine, là, ces qualifications-là. Non, pas nécessairement. Les Marianne Saint-Gelais, ça sont déjà dans les 16. Dans la compétition nationale qu'on va avoir, exemple, en janvier, lors de la prochaine sélection, il y a déjà 16 patineuses qui ont participé à la Coupe de la sélection nationale en septembre. OK. En septembre. Eux, ils sont déjà préclassés automatiquement. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des sélections, tout ça. C'est pour faire les 32 complètes, dans le fond, les 16 dernières qui vont faire qui vont compléter le groupe. C'est là que des 32 meilleurs patinons au Canada. Fait que parmi les 60, on va avoir 16 qui vont être sélectionnés, hommes et femmes, pour faire cette compétition-là. Non, je te dis ça parce qu'à quelque part, ça a même arrivé par le passé là, que Marianne compétitionnait pas seulement pour une place, mais tout simplement à y être allée pour eux autres, Marianne et Valérie Maltais et autres. Ouais, ça servait d'entraînement. Le circuit est libre, ouais. C'est ça. Ça, c'est quand ils viennent sur le circuit, c'est ce réseau de compétition. Vu que c'est le meilleur au Canada, les patineurs de l'équipe nationale viennent ici pour un peu, si on regarde ça, ça ressemble un peu à une sélection nationale. Là. Quand ils viennent, c'est les meilleurs patineurs qui patinent contre les meilleurs. Fait que ça fait des belles courses, eux autres vont faire des stratégies, établir. C'est plus facile que faire ça à 10 patineurs en entraînement. En fait, en avoir 10, t'en as 60. Fait que t'es capable d'avoir une meilleure disparité et d'avoir des meilleures courses avec les autres. Tu t'attends à quoi pour au mois de novembre? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une de nos filles ou même un de nos gars qui va... Moi, je te dirais que nos filles peuvent créer beaucoup de surprises. Elles sont jeunes quand même dans l'ensemble. Catherine, c'est la plus vieille du groupe. Ouais. Si je regarde les autres patineuses, Maude, qui est encore sur leur 4, avec Karina, même chose, et Marianne, je peux dire que ça pourrait faire des surprises au niveau dans les 16 premières. J'en pourrais voir peut-être une ou deux là, qui pourraient être capable de se lancer dans cette sélection-là. Okay. C'est quand même des grosses courses, par exemple. Là. C'est une compétition qui est sur 4 jours, qui est longue, qui est dure au niveau physiquement et émotionnellement. Donc, ça va dépendre des autres personnes de tout ça, mais je pense qu'on est capable de bien se lancer. OK. Ben, David Simard, on s'en repense justement après ces qualifications nationales qui vont arriver avec Samy. C'est toute la semaine, ça va être du jeudi au dimanche, la fin de semaine du 23, je ne me trompe pas, novembre. OK. C'est du jeudi au dimanche. Ben, merci beaucoup pour ça, parle à milieu de novembre. Merci beaucoup. David Simard, qui est notre collaborateur de Patinage à vitesse pour